Laisse-moi mourir en paix. Laisse-moi vivre en paix. Laisse-moi croire à l'au-delà, laisser ce monde et tout quitter. Repartir avec un cœur sain devant le juge suprême. Je suis loin d'être parfait, j'ai cru et ma foi est devenue ferme. Ma dernière heure va arriver, mon testament sera pour vous. Dans la tombe, je suis seul, le noir m'a envahi. Non, je suis pas fou. J'ai pas ramené mon argent, ni ma famille, juste mes actions. Je suis pauvre dedans, où est ma richesse, nu et couvert d'un drap blanc. Je revois mon passé, je revois mes péchés, mais où sont ceux qui m'ont enterré? Laissez-moi revenir sur terre, je suis pas encore prêt à partir, à mourir. Il faut que je répare mes erreurs et que je prépare mes valises. Mes reclés me profitent à rien. Pourquoi n'ai-je pas fait du bien pour ma vie future? J'étais occupé, j'ai oublié ma rencontre avec mon Seigneur. Ce bas monde était parure. Mon cœur devient dur et lourd. Le diable m'influence et me tente. Suis-je seul à vouloir vivre éternellement? L'enfer est loin et j'oublie ma tombe. Je pleure et je m'attriste. As-tu oublié que tu allais vivre puis mourir? Tu croyais vivre en liberté. As-tu oublié que ton temps a été bien défini? Après mon enterrement, les gens rentreront chez eux tristes et la plupart vont m'oublier et je serai qu'un vieux souvenir. Tout ce que tu as accompli dans ce monde n'a rien servi. En vérité, ton travail, ta villa, ta richesse, tout cela était qu'un rêve bien terminé. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Je ne sais pas, j'ai ignoré de ce jour. S'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps. Shaitan m'a trompé, j'ai cru que j'allais vivre assez longtemps pour me repentir. Finalement, la mort m'a rattrapé avant que je puisse me prosterner avant de partir. Mes larmes coulent, mais cela ne me sert à rien. J'aurais dû me préparer à cette rencontre. Cette vie n'est rien en vérité. D'un jour à l'autre, on finira par se rendre compte. Mais fais-le avant qu'on te mette dans ta tombe, car dans ce cas, ce sera déjà trop tard. Ton repartir ne peut pas attendre. La miséricorde de ton Seigneur est tellement immense. J'attends devant ma tombe, car j'attends la mort. Donc laisse-moi mourir en paix.